بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nun, je jure par la plume et par ce qu'ils écrivent. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point possédé. Il y aura pour toi une récompense jamais interrompue. Tu es certes d'un caractère exceptionnel. Tu verras et ils verront. Qui d'entre vous est le véritable dément? Certes, c'est ton Seigneur qui connaît mieux que quiconque celui qui s'égare de son chemin et celui qui suit la bonne voie. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Alors n'obéis pas à ceux qui démentent. Ils aimeraient bien t'amener à faire des compromis afin d'en faire eux-mêmes. Et n'obéis pas au méprisable qui a le serment facile. Détracteur. Colporteur de calomnie, qui s'applique à faire obstacle au bien, qui transgresse toute limite, qui baigne dans le péché, qui a le cœur dur et qui en plus est bâtard. Et parce qu'il possède biens et enfants, lorsque nos versets lui sont récités, il dit « Ce ne sont que de vieilles légendes. Nous le marquerons un jour sur le nez. » إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin qui avaient juré de récolter les fruits le lendemain matin. sans dire si Allah le veut. Or, pendant qu'il dormait, une calamité de la part de ton Seigneur s'abattit sur le jardin, qui se trouva au matin complètement dépouillé de ses fruits. Alors au matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Partez vers vos champs si vous voulez en cueillir les fruits. Ils se mirent en route, échangeant entre eux à voix basse. Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils parlaient ainsi, bien résolus à ne rien donner aux pauvres. Mais lorsqu'ils virent leur jardin, ils s'exclamèrent : Nous nous sommes sûrement égarés. Puis, mais non, nous voilà complètement ruinés. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Le plus juste d'entre eux dit : Ne vous avais-je pas dit, pourquoi ne glorifiez-vous pas Dieu ? Ils dirent alors : Gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été injustes. Alors ils se tournèrent les uns vers les autres, s'adressant mutuellement des reproches. Malheur à nous, dirent-ils, nous avons vraiment dépassé les limites. Peut-être notre Seigneur nous donnera-t-il en échange quelque chose de meilleur. Nous désirons vraiment nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut leur châtiment, et le châtiment de l'au-delà est encore plus terrible, si seulement ils savaient. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Aux pieux seront réservés auprès de leur Seigneur les jardins des délices. Devrions-nous traiter les soumis à Dieu à la manière des criminels ? Qu'avez-vous donc ? Comment jugez-vous ? Ou bien, possédez-vous une écriture dans laquelle vous apprenez que vous obtiendrez certainement tout ce que vous désirez ? Ou tenez-vous de nous un égarement formel, valable jusqu'au jour du jugement, selon lequel nous vous accorderons tout ce que vous exigerez ? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Demande-leur lequel d'entre eux s'en portera garant. Ou aurait-il des associés ? Qu'ils les fassent donc venir s'ils sont véridiques. Le jour où l'horreur se déchaînera, on leur ordonnera de se prosterner, mais ils en seront incapables. Ils baisseront les yeux Et ils seront couverts d'humiliation. Quand ils étaient encore sains et saufs, on les avait invités en vain à se prosterner. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Laisse-moi donc m'occuper de ceux qui traitent de mensonge ce discours par des voies qu'ils ne soupçonnent pas. Nous les mènerons pas à pas. Je leur accorderai encore un peu de temps, car mon stratagème est implacable. Leur demanderais-tu un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Ou posséderaient-ils la connaissance du monde invisible, au point qu'ils puissent tout mettre par écrit? Alors attends patiemment le décret de ton Seigneur, et ne sois pas comme le compagnon du poisson, Jonas, qui, au comble du désespoir, implora son Seigneur. Si la grâce de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait certainement été rejeté, réprouvé sur une terre déserte. Mais son Seigneur l'avait élu et le désigna au nombre des vertueux. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Peu s'en faut que les négateurs ne te transpercent avec leurs regards. Quand ils entendent le rappel, le Coran, ils disent « Il est certes fou », alors qu'il ne s'agit que d'un rappel adressé à toute la création.